Antigone par Paul Bourget. Chapitre 1er. On ne choisit pas ses souvenirs. Je n'éprouve jamais plus vivement la vérité de cette maxime qu'en regardant, avec nostalgie, comme cela m'arrive trop souvent, la carte du lac divin, de cette Méditerranée que j'ai déjà tant courue, que j'espère courir tant encore. Sur la nappe, vaguement teintée de cette carte, mes yeux suivent la ligne découpée de ces rivages dont j'ai doublé presque chaque cap, et je m'arrête sur la longue tache noire qui représente l'île adorable de Corfou. Corfou. Quel voyageur a pu prononcer ce nom sans un soupir? S'il s'est une fois promené sous la verdure d'argent de ces oliviers énormes, au tronc jamais ébranché, en face de la côte sauvage de l'Épire, qui dresse ses montagnes blanches de neige par-delà le canal, si intensément bleu le jour, si pâlement lilas le soir. Corfou. Quel poète n'a rêvé devant ces magiques syllabes de volupté lente et paresseuse? Quel amoureux n'a imaginé un paradis de parfums et de solitude autour d'une passion heureuse et comblée? Le hasard d'une rencontre de voyage veut que la fabuleuse Corcyre évoque pour moi d'autres figures. Celle, d'abord, d'un ami que j'ai eu là-bas, plus âgé que moi de 40 ans et qui s'en est allé rejoindre au pays mystérieux dont l'on ne revient pas, les sages antiques auxquels il ressemblait tant. Celle ensuite d'un de mes anciens camarades de collège, aujourd'hui un des politiciens les plus tarés du palais Bourbon, et il y a le choix. Celle enfin, celle surtout, de la sœur de ce déloyal personnage, une fille de 35 ans, que je n'ai vue que quelques jours, mais qu'elle a hanté deux fois ma rêverie. Et ni la physionomie doucement austère de M. Napoléon Zaffoni, c'était le nom et le prénom du vieillard, né sous le Premier Empire, ni le profil audacieux et félin du trop fameux député opportuniste Clément Malglaive, ni le masque épuisé et tourmenté de cette mélancolique Christine Malglaive, ne semblaient faits pour s'associer à ces paysages où l'or des oranges mûres brille dans les rameaux sombres, où les eaux sourient comme des prunelles tendres, où les fins feuillages des oliviers ont des frissons de chevelure. Qui donc a dit cette parole profonde, que l'existence ne nous donne jamais que ce que nous portons en nous? Et quoi d'étonnant, si passionné jusqu'à la manie, des curiosités psychologiques et des drames intérieurs, même les plus voluptueux horizons de la plus voluptueuse des îles, se soient trouvés servir de cadre pour moi à une tragédie morale? Ce voyage à Corfou, durant lequel cette courte tragédie se noua et se dénoua, remonte au printemps de 1893. La date a sa petite importance. C'était, qui s'en souvient, l'époque la plus troublée de cet épisode si douloureux de nos luttes intérieures qui s'est appelée la campagne de Panama. Aucun bon Français ne pouvait alors ouvrir un journal sans se demander avec angoisse quel nom nouveau allait s'ajouter à la liste, déjà si longue, des ministres et des députés prévaricateurs. Parmi ces noms, un des premiers prononcés avait été celui de mon condisciple de Louis le Grand, de ce Malglaive, avec qui j'avais passé plusieurs années coude à coude, sur le même banc de la même classe. Tous ceux qui ont suivi les débats de la Chambre à cette période se rappellent l'accusation dont il fut publiquement l'objet, sa défense, très courageuse, il faut l'avouer, mais peu convaincante. Pourtant, aucune poursuite n'avait été décrétée contre lui. Dans l'impuissance où ses accusateurs se trouvèrent d'établir qu'il eut touché le chèque de 18 000 francs inscrit à son nom sur le carnet d'un trop célèbre corrupteur. Quoique je n'eusse pas revu Malglaive depuis le collège, la mémoire de notre jeune compagnonnage m'avait fait suivre de plus près ce débat parlementaire, et l'impression qui m'en était restée, très défavorable à l'accusé, ne pouvait que me rendre toute rencontre avec lui bien pénible, plus encore, dans les conditions d'intimité qu'impose une petite capitale d'une petite île à peine peuplée. Et puis, je m'attendais si peu à cette rencontre. Me croyais-je assez loin du Paris véreux, par cette radieuse matinée de fin d'hiver, où, penché sur le bastingage du paquebot qui fait le service entre Brindisi et la Grèce, je regardais la citadelle de Corfou émerger des flots. Le vapeur allait, déchirant d'un mouvement doux une mer à peine ondulée, bleu d'un bleu de saphir ou de lapis. Un par un, je reconnaissais les merveilleux détails du cher paysage. Ici le Pantocrator, la colossale montagne en forme d'autel, les massifs d'Albany en face, étincelant de neige. Plus loin, devant moi, l'îlot de Vido qui masque à demi le port. Et, sur toute la côte de l'île, se creusaient les criques étroites auxquelles aboutit le frais et long dévalement des molles pentes ombreuses. Pas un mur d'enclos dans cette oasis. Des haies de roses, d'agaves et de cactus marquent seules les limites des vastes champs d'oliviers, d'orangers ou de cannes, et j'épiais, à mesure que nous approchions, la silhouette de M. Zaffoni, le vénérable ami que je venais visiter. Il me semble, en traçant de nouveau les lettres de son nom, que les années qui me séparent de cette visite se sont abolies. Je me revois, Vido à peine doublé, essayant avec ma lunette de distinguer, parmi les canaux, celui qui le portait. Je savais que, malgré ses 80 ans, il ne me laisserait pas débarquer dans son île natale sans exercer envers moi la traditionnelle vertu d'hospitalité. Je revois ces canaux s'approcher du vapeur, se dépassant, se heurtant l'un l'autre. J'entends l'appel rauque des rameurs, les mots grecs et italiens volés dans l'air. Je revois les portefaix à face de morts pendus au hublot, avant que l'échelle ne fût abaissée et que l'inspecteur de la santé n'eût mis le pied lui-même sur notre bord. Là-bas, se détachant du môle qui domine la vieille cité d'aspect vénitien, une dernière barque s'avance, partie, elle, juste à la minute opportune. Je reconnaîtrai à ce tout petit indice la stricte ponctualité du vieillard. Cette dernière barque est à portée de parole, et assis à l'arrière, je le reconnais lui-même, avec son corps si mince, enveloppé de plusieurs paletots passés les uns par-dessus les autres, avec son visage aux traits si fins qu'encadrent des favoris coupés à la mode anglaise. Il tient sa canne à pomme d'or, présent de son illustre ami Lord Beaconsfield, entre ses gants de drap gris que je ne l'ai jamais vu quitter. Il m'a reconnu lui aussi. Son intelligente et mobile physionomie s'est éclairée d'un sourire. Encore quelques coups de rame, et le voici au bas du paquebot. Leste comme un jeune homme, il a mis le pied sur l'échelle, en écartant son domestique qui voudrait l'aider, et il me donne l'accolade d'arriver en me disant « Vous voyez comme l'île s'est faite radieuse pour vous recevoir. Vous souvenez-vous du souhait de nos petits mendiants qui plaisaient tant à Mérimée? Puissiez-vous jouir de vos yeux ?» Mon vieil ami avait en effet beaucoup connu l'auteur de Colomba, par l'intermédiaire de notre consul à Corfou sous la monarchie de Juillet, M. Grasset, l'ami de Stendhal. Mais qui n'avait-il pas connu, parmi les hommes distingués de sa génération, à Paris et en Angleterre, cet alerte vieillard qui allait et venait maintenant parmi les caisses, désignant mes mâles de sa canne, et pour m'épargner même le léger ennui du transport de la douane, ses menus gestes précis et mesurés multipliaient les ordres. C'était là ce qui donnait pour moi à sa personnalité un caractère à la fois admirable et pathétique. Je savais que ce petit rentier corfiote, ami agile de lézard, avait été, qu'il était encore, une des plus complètes, une des plus souples intelligences de son temps. Orateur incomparable, dialecticien supérieur, ayant étudié à Paris, à Berlin, à Florence et à Londres, parlant les quatre langues et connaissant les quatre littératures comme la sienne propre, n'ayant jamais cessé de suivre avec passion le mouvement des idées européennes. Mais toutes ces connaissances, tout ce beau talent n'avaient eu, comme terrain où s'employer et se déployer, que cette ville perdue, sa patrie, et qu'il n'avait pas voulu quitter parce qu'elle n'était pas libre. À 30 ans, hypnotisé comme tant de ses concitoyens par le souvenir et le rêve de la Grèce antique, il s'était établi avocat à Corfou, et il était entré dans le parlement des îles Ioniennes. Il voulait y combattre le protectorat anglais établi par les traités de 1814 et hâter la réunion de ces îles au royaume hellénique. Je savais aussi qu'à lutter contre les Anglais et à les étudier de si près, un singulier phénomène s'était accompli dans ce noble esprit. Il avait pris en admiration cette race supérieure. Il n'avait pas cessé pour cela d'être le patriote intransigeant qui combattait pour l'unité, mais ce patriotisme sans illusion n'avait pu vraiment se réjouir lorsqu'en 1864, l'Angleterre avait définitivement abandonné les îles. Le rôle de M. Zaffoni avait d'ailleurs pris fin à ce moment-là. Redouté des politiciens d'Athènes autant pour son intégrité que pour son éloquence, aucun poste ne lui avait été offert où il put donner sa mesure, et il continuait, depuis lors, d'user sa vieillesse là où il avait usé sa jeunesse, emprisonné dans la médiocrité des circonstances et acceptant cette médiocrité, stoïcien par nature et par doctrine, comme un de ces personnages de Plutarque dont il parlait sans cesse, un homme de Plutarque. Il fallait entendre de quel accent il prononçait ces quatre mots. Ce culte, un peu rococo pour le naïf historien, lui venait de quelques survivants de notre XVIIIe siècle qu'il avait connu à Paris, enfant. Avec cela, beaucoup d'esprit, une judiciaire incomparable, comme on disait autrefois, une bonhomie jamais démentie, car il dérivait d'une infatigable bonté, une indulgence faite d'une universelle compréhension, une causerie facile et profonde, une érudition immense, toutes les virilités du cœur devant l'idée de la souffrance et celle de la mort, que de raisons de l'admirer autant que je l'aimais. Je les sentais, ces raisons, avivées encore par sa présence, tandis que notre barque glissait dans la rade, sur cette eau d'un bleu épais, opaque, comme minéral, et je l'interrogeais sur sa santé. « Vous le savez, répondait-il, je m'appelle moi-même le voyageur attardé. Vous avez bien failli ne pas me revoir. L'autre hiver, j'ai été très souffrant de la gorge. Le médecin m'avait dit que pour me guérir tout à fait, je devrais parler le moins possible. Je pris le parti de me taire absolument. J'avais une ardoise pour écrire mes ordres, et je suis demeuré 3 mois plein sans prononcer un mot. C'est excellent. J'ai profité de l'occasion pour relire Lord Macaulay tout entier, la plume à la main. Ah, quel bon esprit qu'un bon esprit anglais. 3 mois pleins sans prononcer un mot, m'écriai-je. Mais c'est de l'héroïsme. De quoi rivaliser avec les plus beaux traits de votre cher Plutarque? N'appelez pas du nom d'héroïsme, reprit-il, la simple habitude d'obéir à la raison. Soyez persuadé, c'était une de ses tournures favorites, qu'il est bien plus difficile d'écrire seulement une page de l'essai sur Pitt. Et vos mémoires, puisque nous parlons d'écrire, les avez-vous avancés? J'en suis à l'année 1863, à la veille de l'indépendance, répondit-il. Je les écris en 3 langues, en grec, en anglais et en français, ce qui me retarde. Ils ont fini par devenir l'histoire de nos 2 assemblées, du temps que nous étions une espèce de Canada méditerranéen. Ces 50 années-là, depuis 1814 jusqu'en 1864, auront été les plus belles de notre histoire. Nous luttions pour la liberté, et cette lutte-là vaut quelquefois mieux que le triomphe. Nos 2 assemblées, c'était le régime constitutionnel en miniature, un microscopique parlement à côté de celui de Westminster. Nous y avons pourtant fait de belles campagnes, et puis nous sommes morts de notre victoire comme l'abeille, ajouta-t-il en souriant et en soupirant à la fois. Corfou n'a jamais si peu compté qu'aujourd'hui. Vous lirez ce que j'ai rédigé, en condensant le plus que j'ai pu. Quand je me déciderai à publier ces pages, elles seront comme un de ces morceaux de pierre fossile, où se retrouve l'impression d'une fougère fanée depuis des siècles, et que personne n'avait jamais cueillie. Mes amis et moi, nous aurons été une touffe d'herbe, dans une vallée jamais visitée. Pourtant, j'ai la faiblesse, c'est vrai, de tenir à cette petite empreinte après nous, à cette preuve écrite que nous avons fait notre devoir civique. Il y aura bien quelque essayiste anglais ou français pour lire mes 200 pages et pour en tirer 1 ou 2 notes sur quelques points d'histoire ou de droit constitutionnel. Et le brin de fougère n'aura pas poussé en vain. Tenez, ces jours-ci j'ai fait ma petite épreuve. J'ai prêté ces souvenirs à un de vos hommes politiques de passage à Corfou. J'ai eu le vif plaisir de voir qu'il l'intéressait. Vous le connaissez? Il m'a dit qu'il avait été au collège avec vous. C'est M. Clément Malglaive. Clément Malglaive? Interrompis-je. C'est vrai que nous étions à Louis-le-Grand, dans la même classe. Mais j'avoue que j'aimerais mieux ne pas le revoir, après ce que vous savez aussi bien que moi. J'espère que ce malhonnête homme n'est plus ici. Il est ici, répondit M. Zaffoni. À son regard, je devinais qu'en manifestant, avec cette violence irréfléchie, mon opinion sur Malglaive, j'avais déplu à ce sens de parfaite équité que ce juste portait dans son cœur. En définitive, aucune preuve n'avait été produite contre mon ancien camarade, qui permit de le déclarer coupable et d'en parler avec cette implacabilité. Je compris que mon vieil ami me blâmait d'être si dur et si légèrement. La descente à terre, puis les formalités de la douane, interrompirent notre entretien. Je le repris dans le landau qui nous conduisait sur le pavé inégal des rues bordées d'arcades basses, vers l'esplanade où habitait M. Zaffoni, et j'essayai de lui expliquer ma sévérité à l'égard de Malglaive. « J'ai vu que vous n'approuviez pas mon mot de tout à l'heure, lui dis-je, ce malhonnête homme, prononcé un peu vite, je l'avoue. Mais si vous l'aviez connu comme moi, tout enfant, au collège, vous auriez la même impression, j'en suis sûr. À 17 ans, les deux tressaillants de son caractère étaient la vanité et la sensualité. Je n'ai jamais vu personne pousser aussi loin que lui, à cet âge où l'on est plutôt raide et brusque, le désir de plaire et la souplesse. Il était toujours de l'avis de celui à qui il parlait. Vous, qui connaissez si bien la vie, vous savez mieux que moi combien ce besoin d'être approuvé et de produire de l'effet démoralise vite une nature, combien il confine de près à la fausseté. Et puis, dès cette époque, Malglaive avait déjà le goût du luxe et du plaisir. Il aimait les courses, le théâtre, les restaurants chers et le reste. Comment trouvait-il le temps d'être bon élève et d'avoir des prix au concours avec ces mœurs-là? Nous nous en étonnions dès cette époque. Suivez la filière maintenant. Voilà un garçon à qui son père, un médecin de quartier à Paris, n'a pas dû laisser plus de 15 000 francs de rente. Il avait une sœur, si je me rappelle bien, et il a fallu partager la fortune. Malglaive a fait son droit. Il n'a certes pas mis de l'argent de côté durant cette période. Il s'est faufilé ensuite dans l'entourage de Gambetta, et après l'élection des 363, il a été nommé sous-préfet, puis préfet. Encore là, ses économies ont dû être minces, d'autant plus qu'il a profité de son passage dans sa préfecture pour devenir persona gratissima dans son département et s'y tailler un collège électoral. Cela coûte d'être populaire. Le voilà député. 6 000 à 9 000 francs par an. Mettons qu'il ait gardé les 15 000 livres de rente du docteur. Mettons qu'il s'en fasse une 15 000 autres dans la presse. Il écrit très proprement, j'en conviens. Additionnez. Cela donne 40 000 francs nets à dépenser par an. Or, ses ennemis ont raconté sa manière de vivre. Pour quiconque a pratiqué un peu Paris, cette sorte d'existence, où le louis est l'unité de dépense, se chiffre par 60 000 et 80 000 francs. Je dis au bas mot, car on m'a raconté que Malglaive jouait. Et alors il faut pourtant bien les trouver, ces 30 000 ou 40 000 francs qui manquent. Vous me direz, on mange son capital. C'est un cercle vicieux. À mesure que le capital baisse, les rentes baissent aussi, et le déficit annuel devient plus dur à combler. On fait alors des affaires. Des affaires. Vous savez ce que ce mot représente pour un politicien. Il faut qu'il vende son influence et son nom. À la fin, il vend son vote. Voilà pourquoi je suis intimement convaincu que Malglaive s'est bel et bien laissé acheter dans cette malpropre affaire du Panama. Et avouez qu'il y a vraiment des chances pour que j'aie raison. « Soyez persuadé, me répondit M. Zaffoni, qu'il faut faire à un grand talent plus de crédit que cela. Et Malglaive est un très grand talent. Vous me parlez de ses péchés de jeunesse. Ne savez-vous pas, vous aussi, l'élève de Goethe, que nos qualités futures se développent d'abord en défaut? Cet instinct de plaire et de séduire, c'était la passion de la politique qui s'éveillait en lui, le premier apprentissage du maniement des hommes. Ses goûts de luxe, cette sensualité, si vous voulez, c'était la force de la vie. De très grands hommes les ont eus, ces goûts frivoles, eux aussi. Disraeli de nos jours, et dans l'Antiquité, César. Quant à ses dépenses, je veux bien qu'elles étaient un peu fortes. Eh bien, quand Malglaive aurait des dettes, de fortes dettes, faudrait-il en conclure qu'il a trafiqué de son mandat? Non, non, non. J'ai causé avec lui beaucoup, depuis qu'il est ici, et je dis que cet homme est une force, une réelle force, à ne pas laisser perdre. Votre devoir à vous autres, ses camarades, puisqu'il n'existe pas une vraie preuve contre lui, c'est au contraire d'achever de le laver de tout soupçon pour qu'il n'ait pas les reins brisés. D'ailleurs, je m'en rapporte à lui pour se relever. Il attend de ressort. Vous le verrez ministre un jour, et il sera un bon ministre. C'est lui qui m'a fait le mieux comprendre votre politique actuelle. Ah, c'est une valeur, et ce serait une vraie misère si pour une calomnie Imaginé sans doute par quelques bas ennemis, ce garçon perdait cette magnifique opportunité, un ministère, en France, avec toute l'Europe pour champ d'action. Il se tut. Ses yeux fins se promenèrent une minute sur le décor où sa vie à lui s'était écoulée tout entière. L'étroite rue aux maisons inégales était remplie de cette population bâtarde, propre au pays trop envahi, et dans laquelle se reconnaît un impur mélange de races. Les types les plus nobles étaient encore ceux des Albanais, en fustanelle blanche, en grec serré, les pieds chaussés du soulier de cuir, recourbé en pointe et garni de floches. Coiffé d'un fez, la veste brodée aux épaules, un long pistolet à pomme d'argent passé dans leur ceinture, ces barbares devisaient devant l'éventaire des boutiques basses, où se voyaient tous les ingrédients de la pauvre nourriture levantine, des olives noires, des salaisons saumâtres, des fritures malpropres, des gâteaux huileux, d'écœurantes confitures. Un relent, à la fois rance, aigre et fade, s'en échappait. Et c'était une suite d'échoppes de change, derrière lesquelles des juifs, reconnaissables à leur type busqué, comptaient des piles d'écus de toute provenance. Des affiches donnaient le cours du change. Elles attestaient la pénurie de l'existence nationale après la pénurie de l'existence individuelle. Il y était écrit que le drachme, le franc grec, valait au cours du jour 75 centimes. Des madones apparaissaient de place en place dans des niches, raides icônes byzantines, toutes proches de l'idole primitive, et les prêtres, que nous rencontrions en grand nombre, ces papas à la barbe inculte, à la toge verte d'usure, au visage brutal et paresseux sous la haute toque, prouvaient trop, par leur seul aspect, que même la vie religieuse était ici en décadence comme le reste. Dans l'éclair d'une comparaison foudroyante, j'aperçus en pensée la place de la Concorde que Malglaive avait dû traverser si souvent pour se rendre à la chambre. Toute la vigueur et toute l'élégance d'une civilisation encore en pleine sève m'apparurent comme symbolisées par ce coin si vivant du Paris contemporain. Ce qu'il y avait eu de désespérément, d'irréparablement provincial dans le sort du vieillard qui venait de défendre si chaudement ce même Malglaive, me serra le cœur. Pourquoi le hasard ne lui avait-il pas donné à lui, l'irréprochable, cette magnifique opportunité dont il m'avait parlé, ce qu'un poète appelle quelque part un vrai pays de gloire? Et je l'écoutais continuer son apologie de mon ancien camarade, avec sa haute et impartiale sérénité. Et puis, il y a dans la vie de Malglaive un élément dont vous ne tenez pas compte. Vous ignorez peut-être qu'il vit avec sa sœur. Oui, elle lui tient sa maison, et cette sœur, quand vous la connaîtrez, car elle l'a accompagné, vous comprendrez qu'il n'a pas pu lui faire cela. Rien qu'à cause d'elle, il n'a pas pu se déshonorer, lui, qui est son culte, son orgueil, sa foi. Non, il ne lui a pas fait cela, répéta-t-il. C'est une Antigone, vous verrez, un être tout dévouement, toute noblesse. Vous vous rappelez le vers de Sophocle, « Je suis né pour m'associer à l'amour et non pas à la haine. » Quand ce ne serait qu'à cause d'elle, je croirais à l'innocence de Malglaive. Vous ne refuserez pas de dîner avec eux deux. Je les ai invités pour demain soir. Mais soyez tranquille, je ne vous lyoniserai pas.